Un brûlé, conte astral par Jules Lhermina. Chapitre 1er. Sur le point d'entreprendre l'œuvre la plus audacieuse que jamais homme ait tentée, décidé à aller jusqu'au seuil de la mort, sans être certain de n'être pas contraint de le franchir, je veux m'étudier moi-même, revivre toute ma vie passée, considérer comme au microscope les infiniment petits qui m'ont conduit jusqu'à la limite de l'infiniment grand, en un mot, me confesser. Mais à cette confession, je ne me résous que dans la solitude d'une méditation égoïste. Seul, je m'interroge, seul, je me répondrai. Si, par l'écriture, je donne corps à cette enquête intime, si ma plume matérialise cet interrogatoire et en dresse ce procès-verbal, il est bien entendu que je vais user ainsi d'une sorte de moyen mnémotechnique pour moi-même et non pour que ces lignes tombent sous les yeux d'autrui. Si de l'épreuve que je vais affronter je sors vivant, je relirai ces feuilles et j'ajouterai en quelques traits la solution du problème. J'écrirai la formule du secret. Puis je me consulterai. Détruirai-je le manuscrit ou au contraire le livrerai-je avec la loi suprême qu'il contiendra, à la curiosité des hommes? Je ne le sais. L'infinie puissance, dont la formule révélera en même temps que l'existence, le mode d'action, le procédé d'exercice, devra-t-elle être remise comme un dépôt aux chercheurs de la vérité? J'hésite encore. En tout cas, je n'ai pas en ce moment de décision à prendre, puisqu'elle ne peut être que postérieure à ce que je veux tenter. Mais il peut arriver, tant sont terribles les risques à courir, que je périsse dans l'accomplissement de la tâche que je me suis fixée. Sera-ce avant l'acte, ou bien tomberai-je comme le soldat sur le cadavre de l'ennemi? Je l'ignore. Mais il se peut que dans un ou plusieurs jours, après avoir constaté mon absence, des serviteurs, des amis, pénètrent dans cette chambre et me trouvent inanimé, froid, mort, ayant encore devant moi le cahier de papier sur lequel j'aurais inscrit le bulletin de la bataille livrée, sans avoir pu cependant enregistrer la victoire ou la défaite. Alors je ne veux pas que ceci soit lu par des profanes imbéciles, qui s'épouvanteraient ou se moqueraient, deviendraient fous ou resteraient stupides. Donc, avant de partir d'ici, ce que j'entends par partir, j'enfermerai ces pages dans une large enveloppe et j'écrirai, en guise de suscription, ces deux mots à brûler. D'ordinaire, on respecte ces sortes d'ordres posthumes, et j'ai cette garantie qu'en la circonstance, ainsi qu'il arrive toujours en cas de mort subite ou singulière, on aura requis un magistrat qui, lui, veillera à ce que ma volonté soit accomplie. Un autre motif me décide à agir ainsi. Bien qu'aux yeux du vulgaire, l'acte que je vais exécuter soit criminel, et c'est son caractère que je vais étudier, en le décomposant en quelque sorte par les mots et les lettres qui en seront la représentation détaillée, je ne suis pas un méchant. La haine que j'éprouve contre l'être, auquel je vais livrer un combat furieux, n'est en réalité que la notion d'un droit, qui m'appartient et qu'il s'obstine à méconnaître. Je le revendique, c'est justice, puisqu'il y a une rupture d'équilibre à mon dommage. Mais ce droit, je ne me le reconnais pas contre l'humanité tout entière. Or, je sais que le secret, acquis par moi au prix de tant d'efforts et d'une persévérance raisonnée dont bien peu seraient capables, serait entre les mains des ignorants un agent mauvais, délétère pour l'individu, mortel pour la société, précisément en raison de la distance qui sépare l'état actuel, considéré comme normal, de la science et la réelle connaissance du mystère de vie et de mort. Si tous connaissaient le but possible, tous se rueraient vers lui, en aveugle, en fou, ne comprenant pas que la route doit être suivie lentement et pas à pas, d'où des déviations, des déraillements, des chutes qui amèneraient un bouleversement universel. L'homme serait alors semblable à un cavalier novice, lancé sur un cheval fougueux, qu'il ne saurait ni mater ni conduire et qui, s'emportant bientôt, le renverserait et lui briserait le crâne d'un coup de sabot. Je ne me sens pas le courage d'assumer cette responsabilité. Je suis un des premiers, le seul peut-être, qui dans le monde occidental ait été assez maître de lui pour arriver sans lésion cérébrale jusqu'au seuil du mystère, le seul qui ait pu, dans la plénitude de sa raison, avec la mathématique du bon sens, se rendre un compte exact du chemin suivi, et parvenu jusqu'à l'abîme, en mesurer l'épouvantable profondeur. Me préparant à m'y précipiter, je sais ce que je fais, je connais le péril. Dans ce duel avec l'infini, je tiens fermement l'arme qui peut me donner la victoire. Et encore, ne suis-je pas fou? J'aurais tort de le dire, puisque je n'ai pu assez complètement m'abstraire de mon animalité pour résister à la passion qui me tuera peut-être et par laquelle je me laisse entraîner. Il fait nuit. Je suis seul. Ma lampe enveloppe de lumière la place où je travaille, tandis qu'autour d'elle, tout est ombre profonde. J'écris.